frères et sœurs, nous vivons dans le dernier jour. Il faut de mieux que nous attachions au Seigneur, quoi. Car le peuple a si longtemps dans les ténèbres, voit s'élever le soleil de la justice pour le bonheur de tous, pour la joie de tous. Bientôt c'est la fin. Attachons-nous au Seigneur Jésus pour notre salut.